un négro qui revient plus mauvais. J'endosse le numéro 12, jamais 200 mois. Enfin la négro attitude n'est pareil pour le combat. C'est d'en bas que je bats ceux qui sont en haut. C'est ça, je reste en dedans. Et maintenant les débats sont clos. Qui sont les champions? Qui sont les champions? Qui sont les champions? Mais qui sont devenus des pions? Comme à chaque fois là, un petit tour de magie. Voilà les deux necks qui viennent avec les majeures compagnies. Les adeptes de ma musique ont compris les gammes du mouvement. Dorénavant indépendant. Et ça à 100%. Je contrôle mon business et je contrôle tous mes francs. Pourquoi pour une signature devrais-je me faire bouillir? C'est sur ta face d'enculé que j'ai signé un putain de contrat. C'est la magie du tiroir, la magie du tiroir. La MRGI du tiroir, c'est la magie du tiroir, la magie du tiroir, la MAGIE du tiroir. Le M c'est radical, épaule c'est très radicaux. Une dose du docteur, la menace. Relax, oh. Je te fous des claques de ma tac, car tu es pour l'arnaque. Requin trace ou je te harponne sur le rap. Nombreux sont ceux qui n'ont pas senti, c'est dans les tranchées. En croyant d'être sur le chemin de la vérité. Reste sur terre, les pieds fixés, tu pourras avancer. Élargis ton champ de vision, c'est-à-dire regarde tout le côté car la paix ne fait pas le moine lorsqu'il n'est pas habillé. Il te fait le goût du savon, ne le ramasse pas, tu vas te faire baiser. Analyse l'esprit rebelle d'un nègre non intègre. Ne t'étonne pas si le ton de TMC est tègre. Car comme mes frères, tu aimes à bras, j'enfile mal mon coton. Un vrai de nègre, enfile son patron le démon. Oui, oui. Preuves à l'appui, même les plus grands se sont fait piéger. Je fais donc pression sur la magie du tiroir des producteurs sorciers. Je ne rentrerai dans un de ces putains de tiroirs. Je ne suis pas les seuls à du monde qui ferme la gueule et va t'asseoir. Ne joue pas au magicien car je pratique la magie noire. Le 2 après le maquis, on fait qu'il fait plus de 3. Producteur à la noix, contrat de passera. Tu croyais sortir un tube, t'es fait entuber comme un manga. Les niquettes on lâchera, les deux nègres on lâchera. La rage est en moi, est-ce que tu comprends ça? Il y a des gens qui ont les moyens nécessaires. Quelque chose de sectaire, pour la partie ou la frère. Ça s'appelle autoproduction et c'est carré. Il n'y a aucun requin qui vient de prendre la teuté sur Paris. Y'en a qui l'ont compris. R-I-S-P-I-C-T. Mission impossible, on ne se fera pas avoir par la M-A-G-I-E du tiroir. C'est la magie du tiroir, la magie du tiroir. La M-A-G-I-E du tiroir, c'est la magie du tiroir. La magie du tiroir, la M-A-G-I-E du tiroir. Certaines personnes ont des ennuis en perspective. Car sur la place, voilà les deux mecs qui arrivent. Y'a escoflingue, on attend que cela se passe. Les deux mecs sont parés, mais en exécution la menace. Combien de groupes de rap valent vos prix, naissance en France? Combien de maisons de production reconnaissent leurs compétences? C'est donc une arnaque noire sur blanc, les contrats signés sont pires que merde. Nous ne voulons pas nous faire entuber par eux, ceux qui chient sur ma musique, mais font leur peur avec. Beaucoup de nos confrères se sont fait enculer. Sec, net, ils se sont fait pète, trop pète. Et Benelli retire dans le tas et plus rien ne les arrête. Depuis quand as-tu déjà eu un imbécile qui pense à la connerie et la décontraction de leur intelligence? En 10 ans de hip-hop en France, de langue qu'on ne s'est pas structuré. Pourtant le nombre d'adeptes n'a pas cessé d'augmenter. Nous devons être indépendants à 100% pour aller de l'avant. Face aux majeures compagnies, le mec one restera méfiant. On utilise le rap comme un objet de commerce. Les majeures font du fric et non pas ceux qui l'exercent. Je ne baisserai pas mon front, je reste fidèle à ma passion. Être autonome, indépendant et l'abusage des solutions. Non, on ne m'enfermera pas dans la magie du tiroir. Car je suis pas une de ces putes que tu trouves sur le trottoir. C'est la magie du tiroir, la magie du tiroir. La M-A-G-I-E du tiroir. C'est la magie du tiroir, la magie du tiroir. La M-A-G-I-E du tiroir. C'est la magie du tiroir, la magie du tiroir. La M-A-G-I-E du tiroir. C'est la magie du tiroir. Carotte aujourd'hui.